Qui balance du lourd et ceux qui écoutent sans jouer les envieux n'abusent pas. Envoie un truc mais les mains que tu te sens mieux. Tu sais qu'on capte les mains qui toute la nuit. Si tu veux check c'est quand tu veux. Balancer du flow oui c'est la marque de fabrique. On vient mettre ça comme il faut, nous on monte fièrement sur le ring. On ne s'arrête jamais de cogner comme des sadiques. La punchline de sauvage comme le violon d'Agari. Dancehall français, situation chaotique. Juste une musique qu'on écoute défoncée dans une discothèque. Qui me connaissait que je suis pas joué les kékénés. Chanter pour les pompons qui font lever les kikis. Boule à zette dans son système. Fume la zette, donne de la vibe aux people. Le reste c'est pas la peine. Si t'en as donné, donne les vibes comme elles viennent. Donne de la vibe aux people. Le reste c'est pas la peine. Beaucoup d'adeptes de thérapie musicale. T'apaises nos peines sans les rendre plus supportables. À travers la musique, faire swinguer la live. Donner des vibes. Tout ça on sait le faire. Ambiancer on sait le faire. Le chant on sait le faire. Lever la foule on sait le faire. Tout ça on sait le faire. Ambiancer on sait le faire. Le chant on sait le faire. Lever la foule on sait le faire. Je les laisse parler, je m'en vais et je volais. J'annonce Dragon and Friends, les missiles vont tomber. Mais ce soir Dragon réchauffe la haute Normandie. Massive, are you ready? J'ai pas fini de donner de la vibe aux people. Tant qu'il y a du monde debout, diffuse, je dois continuer. De marcher vers l'unité, pourtant si seul. Des fois je perds, mais comme la vie, je dois continuer. Dis-moi qui est back, il a des bullies. Ultime confrontation, mode ultimate fighting. Activation, puis motivation. Deux soldats en action dans mon équipe. J'n'ai pas de figurine, c'est pour mon premier rang. Je bouille un motivant, mes grands du dernier rang. Qui font la vibe tranquillement. On nage à contre-courant, des faces coulent à torrent. C'est pas dit qu'on aille moins loin, en marchant qu'en courant. Ça me signe, c'est... Beaucoup d'adeptes de thérapie musicale. T'apaises nos peines sans les rendre plus supportables. À travers la musique, faire swinguer la live. Donner des vibes. Tout ça on sait le faire. Ambiancer on sait le faire. Le chant on sait le faire. Lever la foule on sait le faire. Tout ça on sait le faire. Ambiancer on sait le faire. Le chant on sait le faire. Lever la foule on sait le faire. Yeah yeah. Original Scarf dans le building. Dragon Navy dans le building. Yeah. Les ambiances, donner des vibes. Tout ça on sait le faire.